1.

Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. Y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous, y'a que nous pour tout changer. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie, la reine de ma vie, ouais, ouais. T'as fait de moi le roi de ta vie, le roi de ta vie, ouais, ouais. J'ai fait de toi la reine de ma vie. Je pourrais t'apprendre à m'aimer, à faire briller tes yeux. Je pourrais te donner les raisons d'avancer à deux. Tu pourrais jouer les filles de l'air et vivre à en crever. Je pourrais revenir te plaire. Le temps, prendre un bateau brisé, les vagues en plein vent. Je te suivrai dans ton océan. À perte de vue, on pourrait s'échouer sur une terre inconnue. Sur le rivage, saluer le soleil couchant et se plonger dans nos rêves en dormant. Pourtant si loin et si près de moi, vivre sans vous. Comment je fais, je ne sais pas. Et tous ces jours qui nous éloignent à grands pas, force et courage, ça ne me suffit pas. Tant de fois lancé des SOS, aucune réponse, pas une lettre. L'amour est passé sous silence. Et vous, comment vous vivez l'absence? J'aimerais vous serrez tout compte. contre moi, tout donner pour comprendre, rompre ce silence insupportable. J'ai deux garçons, pourtant si loin et si près de moi, une douleur qui ne se referme pas, la même rengaine tourne et retourne dans ma tête, cette blessure qui ne guérit pas. Comment faire pour remplir cet espace? Dans mon cœur, vous avez votre place. Si ce jour survenait tout d'un coup, notre amour revivrait pour toujours. J'aimerais vous entendre, vous serrer tout contre moi, donner toute mon âme, rompre ce silence insupportable. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis on reste du côté de la chanson française et puis juste après la dance. Thank you. parler d'amour, j'ai dû tenter mes peurs. Là, je pense à toi, les secondes sont des heures. J'étais dans la peau, je ne suis pas vraiment seul. Yeah, yeah. Je t'ai tout donné, donc il me reste rien. Bientôt, je te rejoins, je commencerai par la fin. Sans toi, demain, c'est loin. J'ai le silence à mes côtés. Mes battements de cœur sont instables. Grisonnant et mon ciel. Vu sur la mer, pieds dans le sable. J'ai le silence à mes côtés. Les étoiles veulent que tu reviennes. Les étoiles veulent nous voir s'étendre. Je vois ton reflet dans l'océan. C'est clair quand tu manques à mes nuits. C'est sombre quand tu manques à mes jours. Un cœur qui bat à l'infini. Oui, c'est peut-être ça l'amour. C'est clair quand tu manques à mes nuits. C'est sombre quand tu manques à mes jours. Un cœur qui bat à l'infini. C'est peut-être ça l'amour. T'es au-dessus dans le game, t'es au-dessus comme appel. Tu sais bien que t'es mon ciel, tu sais bien que t'es la seule. Bien sûr, je suis imparfait, mes erreurs, je les assume. On éteint la lumière, nos ennemis, je les allume. T'es chevré en legging, t'es chevré en tailleur. Tu élevais du Gucci, le bonheur est ailleurs. Le regard est glacial, j'ai le cœur on fire. Je suis love de ton body, je suis love de tes valeurs. Les battements de cœur sont instables. Grisonnant et mon ciel. Vu sur la mer, pieds dans le sable. J'ai le silence à mes côtés. Les étoiles veulent que tu reviennes. Les étoiles veulent nous voir s'étendre. Je vois ton reflet dans l'océan. C'est clair comme tu manques à mes nuits. C'est sombre comme tu manques à mes jours. Un cœur qui bat à l'infini. Oui, c'est peut-être ça l'amour. C'est clair comme tu manques à mes nuits. C'est sombre comme tu manques à mes jours. Un cœur qui bat à l'infini. C'est peut-être ça l'amour, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça l'amour. Oh, c'est peut-être ça l'amour. Je vous laisse du côté du folklore, de la musique, voilà, et puis juste après du pop. Dans la misère, t'es chez toi dans la rue, à ciel ouvert inconnu, c'est toujours un pays à deux pas des frontières. C'est toujours un exil d'être dans la misère, tu regardes la vie, tu en crèves d'envie, c'est toujours un pays à deux pas des frontières. Face au soleil de ton cœur qui s'émerveille. C'est toujours un exil d'être dans la misère. T'es là sur le trottoir à me raconter ton histoire. C'est toujours un pays à deux pas des frontières. C'est toujours un exil d'être dans la misère. Chaque jour je te crois et tu m'attends au passage. C'est toujours un pays à deux pas des frontières. On ne veut plus voir la misère. Elle nous regarde silencieux. On ne pense plus à hier, à cet humain, à ses galères. Un exil d'être dans la misère, pour qui mène le combat, désobéit à la loi. C'est toujours un pays à deux pas des frontières. C'est toujours un exil d'être dans la misère. Pour toi le sans-abri, cette chanson je te délivre. C'est toujours un pays à ne pas des frontières. Nous irons ensemble sur les routes qui nous rassemblent.

des parfums, des couleurs. Toi qui danses dans ma tête et dans mon cœur. Un nouveau jour qui se lève auprès de toi pour défier les galops du temps. Danse, danse, danse encore dans ma tête et dans mon cœur. Tu es le soleil, tu es la joie de vivre. Tu es le chemin, tu es mon guide. Tu es le bonheur. Je veux te garder près de moi, t'enlacer dans mes bras. Un nouveau jour qui se lève auprès de toi pour défier l'amour à chaque instant. Danse, danse encore dans ma tête et dans mon cœur. La douceur de ta peau, la chaleur de ton corps. Je suis fou de toi, fou de toi. Je veux te garder près de moi, t'enlacer dans mes bras. Suivant tes pas, je veux t'emmener avec moi. Après tout simplement le reggae, voici les chansons enfants et puis retour avec les chansons françaises.

coração não sorri. Ai, se o meu coração não sorri, é porque lhe falta amor. Ai, é porque lhe falta amor. Se o meu coração não pular, ai, se o meu coração não pular, é porque lhe falta amor. Ai, é porque lhe falta amor. Se o meu coração não bater, ai, se o meu coração não bater, é porque lhe falta amor. Ai, é porque lhe falta amor. Coração, ai, coração, és um louco sonhador. Coração, ai, coração, não vives sem ter amor. Coração, ai, coração, não vives sem ter amor. Coração, ai, coração, és um louco sonhador. Coração, ai, coração, não vives sem ter amor. Coração, ai, coração, não vives sem ter amor. Coração, ai, coração, que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré, te lo diré. Que me tienes como un loco enamorado, baby, la verdad es que tú me gustas demasiado, y que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, yeah. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, ¿será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate, ¿sabes que soy yo? Yo te lo digo bailando, pégate, yeah. quelques mots vagabonds, griffonnés à tâtons, en toute incohérence. De rêve en divagation, cerveau en ébullition, en quête d'effervescence. Jouer la mélodie, tenter d'en tirer son parti, simuler l'aisance par des rimes en errance. Aujourd'hui, je souris, car j'ai gagné mon pari. Oh, que je l'aime, cette vie de bohème. Assise à la terrasse, j'esquisse et puis j'efface les visages du passé. Comme on laisse une trace, ce cœur qu'on dédicace sur du sable mouillé. Côtoyer l'infini et se jouer de l'ennui en toute innocence, goûter la quintessence. Aujourd'hui, je souris, car j'ai gagné mon pari. Oh, que je l'aime, cette vie de bohème. Into the sky. Mr. Ghost Wind is sowing love and tenderness. My only wish is only you. Let's have magic on Christmas. Let's hang our wishes loud. Let's love in the Christmas. I just wanna live with you. Of stars, as long as we saw Sirius in the sky, that she turned me, which ill will become true, and maybe one day it will change away. It's the most beautiful time of the year. It's a one Christmas roses under the tree, where the presents that we couldn't resist are burning before midnight. Let's have magic on Christmas. Let's hang our wishes loud. Let's love in the Christmas. I just wanna live with you. Let's have magic on Christmas. Let's hang our wishes loud. Let's love in the Christmas. I just wanna live with you. Je me mets à pleurer car le bain est coulé. Je suis quelques centimètres de miracle, une expression de vie spontanée, unique et particulier spectacle de pureté, de beauté. Est-ce que ce monde va me plaire? Est-ce que c'est ça la vraie lumière? Peux-je la trouver dans cette vie ou devoir naître ailleurs qu'ici? La vie de es magico. De ma douceur et danse autour de mon cœur. Je suis quelques centimètres de miracle, une expression de vie spontanée, unique et particulier spectacle de création d'éternité. Est-ce que ce monde va me plaire? Est-ce que c'est ça la vraie lumière? Peux-je la trouver dans cette vie ou devoir éclore ailleurs qu'ici? La vie de les êtres dotés de tant de pouvoir. Nous sommes quelques centimètres de miracle, arrivés par hasard sous la lumière, plus vraiment digne du spectacle que peut nous offrir cette terre. Alors j'espère qu'un jour ce monde va enfin me plaire, où je passerai mon tour et renaîtrai sur d'autres terres. La vie de desdichado y con pobres, no fue sino para hacerme. Riseño de las desdichas, eco de la mala suerte. Y cantar y repetir, a quien escucharme debe. Cuento apenas, cuento a pobres, cuento a tierra seré fiere. Les fous, c'est convaincu.

L'idée n'est certes pas de mépriser le monde. L'idée est encore moins de vouloir le changer. C'est plutôt simplement d'échapper à la ronde, au tourbillon sans fin d'un monde trop pressé. Fuir peut être parfois preuve d'un grand courage. Fuir peut être parfois d'une belle élégance. Vivre l'évitement peut se révéler sage. Procéder au repli relève de l'urgence. Simule ta vie, nous disait Épicure. Traduit dans notre monde super connecté. C'est renoncer à nos virtuelles coutures, écraser nos écrans, fuir l'immédiateté. Ben voici tout simplement les émissions pour ce soir ainsi que pour demain mercredi. Donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe. Et puis juste après, un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis pour mercredi, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Victor. Et puis juste après, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, Gloria. Et puis en soirée, entre 18h et 19h30, Violette. Et bien ainsi pour le jeudi matin, vous allez retrouver entre 9h jusqu'à midi Amère Giraud, et puis juste en soirée entre 18h et 20h avec Chantal. Voilà donc combien on continue, bien sûr, avec toutes sortes de chansons. Arc-en-ciel, c'est aussi ça.

zumba, faut te lever et te bouger. Zumba, zumba, il faut te laisser aller. Zumba, zumba, et tout le monde balance. Zumba, zumba, au nouveau son de l'été. Zumba, zumba, éteins le son. Zumba, zumba, Jacques Mosson. Nous parlons, éteins la roda. Zumba, zumba, installe la moda. A partir d'un bain de forente, todo mundo está contente. Zumba, faut te lever et te bouger. Zumba, zumba, il faut te laisser aller. Zumba, zumba, et tout le monde balance. Zumba, zumba, au nouveau son de l'été. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis on va rester dans le latino et puis juste après le rock. Attendre que l'aiguille court, que les ponts se viennent. même une fumée dans la plaine. Attendre que passe le jour, attendre qu'on vienne au secours. Des questions que je traîne et de ces envies qui m'enferment. Attendre ou bien rester couché, assis à genoux à tes pieds. Aujourd'hui je m'en fous, y'a qu'une façon pour que tourne la roue debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Du coup je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Attendre le téléphone, attendre que quelqu'un me sonne. Pour me pendre au écourt, à la lumière d'un beau discours. Attendre qu'on m'assomme, qu'on me prenne encore pour une pomme. Qu'on étale en mon nom sa confiture pour les cochons. Attendre ou rester à genoux. Attendre de prendre encore un coup avant de devenir fou. Y'a qu'une façon pour que tourne la roue debout. Moi je prends mon quartier, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Du coup je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens pour que tourne la roue debout. Moi je prends mes quartiers, je garde ma tête, ma liberté. Depuis que j'attends rien, ni des étoiles, ni des chiens. Du coup je peux marcher et même courir à m'épuiser. Mon histoire dans les mains, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Thank you. Arc-en-Ciel. Voici donc du hip-hop et puis juste après le rap. Ta peau sur la mienne et ma peau sur la tienne, au détour d'une étourderie. Ta bouche bohémienne sur ma bouche bohémienne, c'est l'amour, c'est le paradis. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Tes mains madrilènes sous mes mains magiciennes, au velours de la you and all the love that you're giving. We

escutou. Eu te avisei que havia outra na sua vida. Apaixonados, de mãos dadas a passear, eu acreditei enquanto ele só mentia. Não chores mais, ele não merece o teu coração que estava entregue a outro ser teu amor. Sem o motivo ele te amor. encore un autre morceau de Zouk et puis juste après le folklore. Mes soirs de cafard, je la ferai chanter. Donne-moi une mélodie, une qui reste bien en tête. Un truc pour m'étourdir quand le cœur n'est pas à la fête. Briser le silence, état de manque, état d'urgence, comme un désir de renaissance. Briser le silence. État d'indépendance, de préférence, mon âme entre dans la danse. Briser le silence.

grand jour de fête. Plus jamais ne s'arrête, plus jamais ne s'arrête. Danse avec moi, comme autrefois, comme la première fois qu'on était amoureux. Il était une fois, sûrement que cette fois, on restera tous les deux. Tu me protégeras, me prendras dans tes bras, plus jamais t'en iras. Plus aussi loin de moi, plus jamais ne prends pas. Dis-moi que cette fois, plus jamais notre amour ne s'arrête. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. C'est aussi ça. Thank you. Voici donc le saxophone, et puis juste après le blues, et puis le piano. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. I've been waiting too much time for you to be yourself. I've been hoping too much time for us to be alive. tu ne m'appartiens pas. Je le sais déjà. J'y peux rien quand ça me prend.

fait que le boulot pour que j'y touche. Il me faudrait deux fois plus de doigts. Comme quoi tu vois, c'est pas gagné. Ce que je voudrais, c'est être au chôme du palper du blé sans rien glander. Puis comme ça, je serai à la sécu. Je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on mal tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur. Pas de thune pour me payer de l'herbe, alors je me défonce avec ce que je peux. Le triclos, la colle à rustine, c'est vrai que des fois ça fout la gerbe, mais pour le prix c'est ce qu'on fait de mieux. Et puis ça nettoie les narines. Le soir on rôde sur les parkings, on cherche une BM pas trop ruinée. On l'emprunte pour une heure ou deux, on largue la caisse à la porte dauphine. On va au pub juste pour mater, pour s'en souvenir un soir dans notre pieu. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Y'a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes. On a fait un groupe de hip-hop, on répète le soir dans une cave, sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. On a même trouvé un vieux débile qui voulait nous faire faire un disque. Ça a foiré parce que ce minable voulait pas qu'on chante en kabyle. On lui a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal. Rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Des fois je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Peut-être que c'est mieux, peut-être c'est tant pis. Que là-bas aussi je serai étranger. Là-bas non plus, je serai personne. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé des frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur. Cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Voici donc le rock'n'roll. Love me do. Someone

fasten a safety belt. Riding along in my collar blues, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. You made me cry when you said goodbye. Me can't see my future at great. Ain't been a shame. You're the one. Voilà donc un autre morceau et puis c'est cette musique-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc eh bien vendredi prochain. Voilà donc ainsi et puis aussi on se retrouve aussi dimanche aussi pour l'émission de l'accordéon. Voilà donc eh bien je vous dis bon santos à vous toutes. Try to get my message. faire? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marguenau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Agora registamos mais de 156 casos de gripe, 89 de Covid e 45 pessoas com o chamado pingo no nariz. Mas o número mais descontrolado é o de candidatos à Presidência da República, que registrou um acréscimo de 785 casos. Queremos estar ainda longe do pico desta epidemia, pelo que aconselhamos as pessoas a manter distância dos putativos candidatos para evitar o contágio. Muito obrigada. Chama-se Hilda, a primeira vaca geneticamente modificada para emitir menos gases com o efeito de estufa. Fomos pedir um comentário à nossa especialista em gases, a Carolina Salgado. Bom, a minha opinião é que não era preciso andarem a fazer vacas transgénicas, não é? Se me pagassem, eu ia fumar para a beira dela para disfarçar o cheiro, como fazia com o Jorge. Não. Contei tudo no meu livro, eu, Carolina, se bem se recordam. Muito obrigado pelo seu comentário. Queres dançar um slow dos Scorpions comigo? Ah? Ou da Sabrina? José Milhazes participou no programa da SIC A Máscara, disfarçado de algodão doce. Ao que o Portugalex apurou, os próximos serão Nuno Rogério, que vai mascarado de bola de Berlim, e Marcos Mendes, de pipoca. Continuando a contaminação entre entretenimento e informação, resta saber quem vai substituir Milhazes no Guerra Fria, que faz com Nuno Rogério. Ah, bom, vai ser a Áurea. Além de ser mais bonita que eu e ter menos barba, canta bem. E vai brindar os espectadores com a sua versão do tema Nikita, do Elton John. Lembram-se? Sobre aquela militar russa. Ah, e ouvi dizer que o Zelensky viu a minha participação e teve a ideia de se imiscuir no Kremlin, mascarado de pizza. Na próxima vez que o Putin pedir jantar pela Uber Eats, não é? É melhor que o cavalo de Troia. E fui eu que lhe dei a ideia. É assim que a guerra vai acabar. E acaba de nos chegar a notícia de que um dos bebés do ano já anunciou a intenção de se candidatar à Presidência da República. Diz que, apesar de ser recém-nascido, sente-se como um homem de 35 anos. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. Querem que eu diga para onde é que o Putin mandou o algodão doce? Querem? Querem? Vá lá, deixa lá, vá. Oh, Portugalex com António Machado e Manuel Marques de saída. Marcamos encontro com eles para amanhã no Melhor de Portugal, mais ou menos por esta hora. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Loura no Melhor de Portugal. Angelique Joe com este Sedan. Na hora certa, as notícias com Nuno Rodrigues. Eu regresso logo depois para a terceira parte do Melhor de Portugal, sendo hoje terça-feira, dia de Meus Direitos, com Graça Cabral e Isabel Flora. Isabel, vamos falar de quê na edição de hoje? As novidades para o salário mínimo nacional. É para ouvir depois das quatro. Pensa direito, juro sem pressão. Internacional. Longe da vista, perto do coração. Quatro horas em Portugal Continental e na Madeira.